بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Malheur aux fraudeurs. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Qui, lorsqu'ils font peser ce qu'ils achètent, exigent la pleine mesure. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Mais qui, lorsqu'ils ont eux-mêmes à mesurer ou à peser pour les autres, trichent volontiers. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Cela, ne songent-ils pas qu'ils seront ressuscités ? ليوم عظيم. Pour un terrible jour. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Jour où les hommes se lèveront devant le Seigneur de l'univers. ألا إن كتاب الفجار لفي سجين. Que non, le livre des pervers sera dans Sijjin. وما أدراك ما سجين. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que Sijjin ? كتاب مرقوم. Un livre où les noms des négateurs sont définitivement inventoriés. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là aux contradicteurs. الذين يكذبون بيوم الدين. Qui tiennent pour imposture le jour de la rétribution. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Or, seul l'homme pervers, livré à ses abus et à ses péchés, tient ce jour pour mensonge. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Quand nos versets lui sont récités, il dit, ce ne sont que fables d'anciens. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Que non, ce sont plutôt leurs actions qui ont voilé leur cœur. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Que non, ce jour-là, ils seront eux-mêmes privés de la vision de leur Seigneur. ثم إنهم لصال الجحيم. Ils brûleront alors dans le brasier incandescent. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Mais il leur sera dit, voilà ce que vous teniez pour mensonge. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Que non, le livre des vertueux sera dans عليون. وما أدراك ما عليون. Et qui ne fera jamais savoir ce que c'est que عليون. كتاب مرقوم. Un livre où les noms des vertueux sont définitivement inventoriés. يشهده المقربون. En seront témoins les rapprochés d'Allah. إن الأبرار لفي نعيم. Les vertueux seront certes dans le délice. على الأرائك ينظرون. Sur des couches, ils regarderont autour d'eux. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Sur leur visage, tu reconnaîtras l'épanouissement dû au bien-être suprême. يسقون من رحيق مختوم. Il leur sera servi à boire d'un nectar cacheté. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Son cachet sera de musc. Voilà un objectif pour ceux qui voudraient rivaliser de ferveur pour l'atteindre. ومزاجه من تسنيم. Et ce nectar sera mélangé à l'eau de Tasnim. عينا يشرب بها المقربون. Source dont boivent les privilégiés. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Ceux qui commettaient les crimes se riaient de ceux qui avaient cru. وإذا مروا بهم يتغامزون. Lorsqu'ils passaient à côté d'eux, ils les toisaient et échangeaient des clins d'œil. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Et quand ils retournaient chez eux, ils retournaient l'herbe au cœur. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Et quand ils les voyaient, ils disaient, ceux-là sont vraiment égarés. وما أرسلوا عليهم حافظين. Pourtant, nul ne les a chargés d'être leurs gardiens. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Mais ce jour-là, ce sera ceux qui ont cru qui riront des mécréants. على الأرائك ينظرون. Étendus sur les couches, ils verront bien alors. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Si les mécréants n'ont pas été rétribués pour ce qu'ils faisaient.